6h57 du mat. Le chrono. Si je remplis toujours la marge une fois le texte fini, c'est pour y poser quelques mots-clés. Quand le reste de la page n'est plus guère lisible, c'est pour ne jamais laisser d'espace à ces grossiers escrocs qui prétendraient devoir nous coter. Me rappeler qu'on est libre même en sang restreint, que par essence un esprit digne demeure clandestin. Parce que les chemins les plus empruntés sont pas forcément ceux qu'il faut prendre et qu'ils veulent nous faire croire qu'il n'en reste qu'un. Être en marge n'est pas un plaisir ni une fin en soi. Je la sens comme se rétrécir à mesure que j'avance. Mais où vais-je écrire si je n'ai plus le moindre endroit? Je devrais quitter la feuille, rimer dans un autre espace-temps. Je serai ce livre sans mots, sans héros, sans début ni fin, que seul peut réciter un chanteur muet. Le silence comme unique musicien qui joue comme on peut désirer la splendeur suprême. Chrono. Elle est bien, mais elle est un peu gentille. Rends-moi un truc un peu plus musclé, s'il te plaît. Un peu plus. Tu vois? Ça démarre bien, ça. Ah! Montrez-moi un puits de lumière sans fond, que je m'y abreuve de clarté. Qu'ensuite j'y plonge la tête à la première, les bras écartés. Sans peur, tout ça n'a aucun sens. J'ai trop les pieds sur terre pour qu'on me greffe une paire d'ailes et le cœur d'un enfant de 5 ans. J'ai besoin de rêver les yeux ouverts et d'être accro de quelque chose. Pareil qu'on voit beaucoup plus clair avec des paupières closes. Alors j'enfermerai les miennes pour trouver mon chemin. Quand je vois l'espèce humaine, je comprends qu'on veuille épouser son chien. Mon approche est très sinistre, j'écris bien mieux au bord du gouffre. Je devrais bâtir un studio au bord d'un précipice. Parce que d'après ce qu'ils disent, je fertilise le pessimisme. Et jamais je ne dirige aucun de mes textes vers l'adresse d'Iblis. Je certifie que si je lève les yeux au ciel, c'est pour mieux apprécier le sol et y rechercher quelques pierres divines. Avoir un esprit libre, parce que le vrai conflit reste entre moi et moi. Donc dans ma tête, c'est la guerre civile. Ah. Abyssal musique. Sortir des textes d'il y a 15 piges là. Un dernier pour la route. Je suis peut-être à la masse, je m'en bats la rage. Je ne suis qu'un homme qui rêve, les gens se rassemblent. Peut-être à la base, un peu trop ordinaire pour prendre sa chance. À l'heure où tout le monde cherche à briller, moi je me surprends à rêver de la personne qui me jette un sortilège de transparence. Mon père sait j'étais ultra pour, mais la patience c'était d'apprendre à disparaître un petit peu plus chaque jour. Que cette passion du moi cesse, la négation d'une bassesse. J'serais peut-être le premier homme à tenter l'ablation du faciès. Ok, ben voilà plan gros, encore un couplet de plus accouché dans la bouche d'un fantôme. Je chante l'aube en pleine nuit noire, j'sais pas où je vais. Ils ont voulu me lire mon avenir, je leur ai fait croire que je suis né sans paume. Savoir ce qui se passera demain, ça doute pas grand chose. J'attends pas qu'on me ressuscite mes rêves le jour de la Pentecôte. Au plus je traverse le temps, au plus le doute s'éteint. Même en plein cœur du néant du sens, moi je peux te promettre que j'en trouverai un. One shot.